89e leçon. Le Tour de France. Cette célèbre course cycliste a beaucoup changé depuis sa création en 1903. À cette époque, le Tour ne comptait que 6 étapes, tandis qu'aujourd'hui, il en compte plus de 20. Et aussi, à son origine, le Tour ne quittait pas la France, alors que de nos jours, les coureurs se rendent en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. L'année dernière, 150 participants venus de partout ont couru. Le Belge, Robé, a porté le maillot jaune pendant 3 jours de suite. Et le Français, Moutet, l'a porté pendant 15 jours. Il ne l'a perdu qu'une fois, lors d'une étape contre la montre. La dernière étape, l'entrée triomphale dans Paris, était passionnante. Le Français et le Belge se sont disputés la première place pendant 12 kilomètres. Puis le Français a crevé et a dû s'arrêter. Voilà pourquoi le Tour de France a été gagné par un étranger. Exercice. Il vient de rentrer d'un séjour aux Pays-Bas et il est crevé. Ils ont dû vendre leur voiture. Il a porté le maillot jaune pendant 15 jours de suite. Ne nous disputons pas, ça n'en vaut pas la peine. Lors d'un séjour en Europe, il s'est rendu 2 fois en Espagne. Il l'a perdu en 1909.